Léa. Le mardi à 17h30, Audrey Caro et Gentillane Lafrance animent le seul magazine entièrement dédié à l'univers des arts visuels à Québec, l'aérospatial. Chroniques, entrevues, capsules, tables rondes, revues de presse, tout y est pour vous faire découvrir et apprécier les arts visuels. Je comprends pas le monde qui écoute les radios poubelles de Québec. Je comprends pas les gens qui vont dans des cliniques in vitro au lieu d'adopter. Je comprends pas ceux qui ont pas d'empathie. Je comprends pas les gens qui mettent tout dans le même sac. Je comprends pas les égoïstes. Le monde qui s'aveugle volontairement. Ceux qui gèrent mal leur violence. Je comprends pas Trump. Je comprends pas mon voisin. Je comprends pas comment on peut passer sa vie sans se poser de questions. Entre autres, une création des Finissants, mise en scène par Alexandre Fecteau et présentée au Théâtre du Conservatoire du 11 au 17 décembre à 19h30. Billets 10$, 5$ pour les étudiants, 418-643-9833. Émission activée. Micro ouvert. Bienvenue. Émission Le Grain de Sable. Attention, attention, il y a un grain de sable dans la machine. Et passe les âges, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour ne pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Hey, bienvenue à Grain de Sable, Jean Cloutier en compagnie de Dominique Bernier. Notre dernière émission ensemble, je pense, en tout cas j'espère que tu vas venir la semaine prochaine, mais au cas où, je te souhaite de joyeuses fêtes. Même chose pour toi. Et on fête l'arrivée d'un nouveau bulletin, le bulletin d'Attaque Québec, avec des articles vraiment bien choisis. Monique Jamard a beaucoup travaillé, il y a quelques bons articles, je pense on va passer à travers ça, et ça va faire une émission avec beaucoup de contenu, un contenu très Attaque Québec, pour changer le monde, décoloniser nos imaginaires, c'est un thème intéressant. Le bulletin a antérieurement fait le constat que notre modèle de société basé sur le dogme de la croissance nous engage dans une voie sans issue. Nous entreprenons la démarche de dépasser ce constat pour explorer des voies alternatives. D'abord, la prise de conscience que notre mode de vie... Alors, je suis content parce que, comme simplicitaire, on touche le bobo, là. C'est ça qu'on va s'amuser. que notre mode de vie constitue une dette écologique, mais aussi sociale, qui mène à l'évidence. Il faut changer le système pour sauver la planète. Un autre article montre l'incompatibilité des traités de libre-échange avec la protection des droits des citoyens, mais aussi de l'environnement. Et je rappelle qu'il y avait quand même une salle comble mercredi dernier au Centre Frédéric Bach, Centre culture et environnement Frédéric Bach, organisé par les Amis de la Terre de Québec. Claude Veillancourt, président d'Attaque Québec, est venu faire une conférence devant plus d'une trentaine de personnes. Et si on juge, Dominique, la qualité d'une conférence par le nombre de questions, eh bien, il y a eu au moins une vingtaine de questions. J'ai dû fermer la période de questions. Et une heure plus tard, quoi là ou non, il y avait encore 4-5 personnes qui continuaient à questionner Claude Veillancourt, alors que nous, on plaçait les chaises avec Michel Leclerc, que tu connais bien. Et non, mais c'est pas fini. À 10h30, quand je sortais avec Michel, puis il embarque sur son vélo, il y avait encore 3 personnes qui parlaient du sujet de la conférence. Le lien entre le libre-échange et l'environnement. Je pense qu'on en a souvent parlé ici. Je pense qu'on gagne à l'expliquer davantage, à faire connaître ce lien-là, parce que c'est quand même quelque chose de majeur. Oui, surtout que tu as écrit de très bons textes toi-même sur ce lien avec l'environnement. L'article de Philippe Gauthier, d'ailleurs, je pensais que c'était Philippe Gauthier, un journaliste anglophone, mais c'est pas lui. L'article explique qu'il faut nous réveiller de la fuite en avant technologique, parce que c'est elle qui nous a conduits dans le cul-de-sac actuel. D'ailleurs, je sais que tu as commis toi-même des textes sur la fameuse économie verte, là. Effectivement, mais dans le texte de Philippe Gauthier, honnêtement, qui porte sur le low-tech, plus précisément, j'en ai beaucoup appris. J'ai été vraiment impressionnée par certains aspects de son article. Tous les articles de ce bulletin sont excellents, selon moi, mais... cet article-là m'a beaucoup parlé parce qu'il apporte des concepts dont j'avais jamais entendu parler et qui donne des arguments de plus un peu contre la technoscience, si on veut, contre cette façon de faire de la science qui prétend en fait que la technique peut tout régler. les problèmes actuels. Donc, qui est comme une forme de foi aveugle en une science supposée nous aider à surmonter. Ça me donne le goût vraiment de lire cet article. Oui, d'ailleurs, oui, si oui. vous voulez nous suivre, allez sur le site Attaque Québec, autrement dit québec.attaque. Attaque, on écrit attac.org. Vous allez voir sur la page d'accueil, parmi les 5 documents d'ouverture, vous allez pouvoir voir l'image pour changer le monde, décoloniser. Excusez-moi, j'ai la bouche gelée, j'arrive de dehors, j'ai marché pendant décoloniser nos imaginaires. Mm-hmm. Alors, pour continuer notre introduction, sans que cela implique de retourner au Moyen Âge, voici le menu du temps de choisir le low-tech, en fait. Mm-hmm. Pensez s'en sortir avec le développement durable, ben oui. Pourquoi pas le développement viable, tant qu'à être, c'est un peu mieux, me semble. Le développement durable, qui est un piège qui, à plus ou moins long terme, rendra notre planète inhabitable. Non seulement une croissance infinie est impossible, mais pour un monde plus juste, elle n'est pas souhaitable. L'article d'Yves-Marie Abraham, tu me faisais remarquer, Dominique, en préparant l'émission, qu'on a déjà eu Yves-Marie Abraham à l'émission Grain de sable. Mm-hmm. C'est au moment où Éco-Société avait sorti un livre sur l'extractivisme, un collectif de textes vraiment très intéressant. Oui, creusé jusqu'où, je crois. Oui, tout à fait, mm-hmm. Merci. Excellent livre. Oui, donc Yves-Marie Abraham montre que la seule voie qui s'ouvre à nous est révolutionnaire. C'est la transition vers la décroissance. En août dernier, le Forum social mondial de Montréal a été l'occasion d'accueillir d'autres organisations d'attaque. Une lettre qui nous est parvenue du Japon nous fait découvrir les luttes qui mènent d'autres militants sur un autre continent. Je me souviens de le rencontrer. Il parle très bien français, ce japonais. Et Monique Jamard, justement, qui coordonne ce bulletin, nous avait offert de l'avoir comme invité. J'ai ses coordonnées. Donc, peut-être qu'après la lecture de ce texte, de cette lettre, on pourra justifier de se faire un petit cadeau en 2017 pour l'inviter avec nous. Oui, ce serait intéressant. Peut-être faire suivre une analyse géopolitique sur le Japon par Étienne Blondeau, ce serait intéressant. Oui, oui, oui, il fait bien ça. Ah, bébé! Et bébé! Ah, bébé! Et bébé! Polar Bear and Wolf, Nukaluk, sont des jeux de gorge qu'on traduit de la bonne façon. Je parlais avec une experte, une amie qui fait une émission de radio en rapport avec les Autochtones et les Inuits. Elle me disait que c'est pas la bonne façon de dire que ce sont des chants de gorge. Ce sont des jeux de gorge, parce que les deux femmes qu'on a entendues se répondent mutuellement, qu'on voit souvent quand on les voit en spectacle, sont face à face l'une l'autre avec un micro entre les deux. Ils jouent et j'ai laissé les rire parce que c'est important. Le but, c'est de tenter de faire rire l'autre. Et en faisant les sons qui viennent de la nature. Donc, si on vit dans le Grand Nord, Polar Bear and Wolf, supposément, peut-être vous n'avez jamais entendu un ours polaire, hein, un ours blanc, un ours polaire, faire des sons, faire son cri, son rugissement ou son mugissement. Eh bien, ces femmes ont tenté de l'imiter, tout comme les loups. Alors, c'est en essayant d'imiter qu'on a pu tenter de faire rire l'autre. Ah, donc, on ne sait pas lequel des deux a gagné, c'est pas dit dans la présentation du disque, mais je voulais vous le dire que cette température polaire d'aujourd'hui me disait que c'est peut-être bien de se rappeler que, dans le fond, même quand on a la bouche gelée, on peut faire ces jeux de gorge. Alors, Dominique Bernier, merci d'être avec nous. Monique Jamard nous parle de la dette envers la planète et les générations futures. Mm-hmm. Oui, effectivement, elle fait un peu, ça fait un peu le pont avec ce dont on a parlé à mon dernier passage à l'émission, la dette environnementale qui se creuse d'année en année. Monique Jamard ramène des éléments intéressants, en particulier, elle ouvre le texte en parlant des différents événements de l'actualité politique mondiale, par exemple le Brexit, dont on a parlé à l'émission aussi, l'arrivée de Donald Trump, l'opposition des Wallons à une autre échelle, en fait, si on veut, à l'accord économique Canada-Europe. Ce sont tous des événements qui nous montrent qu'il y a un ras-le-bol dans la population contre le statu quo. Il y a d'autres raisons. C'est sûr qu'il y a il y a un aspect de xénophobie, de nationalisme identitaire au travers de ça. Je parle pas nécessairement des Wallons, mais en particulier le Brexit ceux qui ont voté pour Donald Trump, on peut le voir. Mais en fait, ça nous montre qu'une partie de une frange de la population est tout à fait ne peut plus, ne croit plus en le statu quo, ne croit plus en ce qui est porté par les élites économiques du monde comme étant une réponse à leurs besoins de base. Un vote de contestation, c'est un vote de protestation, de contestation, en fait, contre une élite. Ici, on est habitué d'entendre l'expression « un vote stratégique ». Oui. Est-ce que ce vote stratégique pourrait éventuellement devenir un vote de contestation? Puis là, il faut regarder dans la sphère politique qui représente ce politicien revanchard qui veut brasser la cage, comme on dit. Oui, effectivement. Ben, ici, au Québec, là, il y en a plusieurs qui ont envie de s'essayer à ce jeu dangereux, j'ai l'impression, pour la prochaine élection. C'est un peu inquiétant. Mais en fait, ce vers quoi nous amène Monique Jamard dans son texte, en fait, c'est que ces excès-là, les excès identitaires qu'on a vus dans ces dernières manifestations politiques-là sur le Brexit, sur Donald Trump, montrent que c'est juste la surface des choses, en fait, qui vient cacher l'échec de la mondialisation heureuse qu'on leur a vantée et qui était supposée ne faire que des gagnants. Mais dans les faits, on sait que ça fait beaucoup plus de perdants que de gagnants. On sait que les inégalités se sont accentuées. Aux États-Unis, c'est le rêve américain qui s'effondre un peu qui s'est effondré. Mais non, c'est Make America Great Again. Oui, c'est ça. Ben, c'est là-dessus que Donald Trump a surfé, justement, mais c'est sur le fait que les gens se sont rendus compte que le rêve américain qui voulait que chaque génération vive de façon meilleure, en fait, dans une plus grande abondance que la précédente, ça ne s'est pas avéré, ça n'existe plus, ou en tout cas, dans le contexte actuel, c'est pas possible. Quoique, dans le fond, l'expression, c'est le rêve américain. Oui. Qu'est-ce qu'un rêve? C'est un rêve, hein? C'est un rêve, effectivement. Mais ça pourrait exister. Mais bon, là, ça devient facile, dans le contexte actuel, de mettre la faute sur l'autre dire que, en fait, pour refuser de voir, pour ce qui est des politiciens, pour refuser de s'attaquer aux causes réelles du problème. C'est la faute aux Chinois. Bon, c'est pas la faute au fédéral. Ils peuvent pas dire ça, eux autres. C'est le fédéral. Voilà. C'est ça. Les accords de libre-échange vont directement dans ces lignées-là, et ces accords-là sont seulement à l'avantage des multinationales qui gagnent beaucoup au change, en particulier beaucoup plus de pouvoir, des profits démesurés, alors que les conditions de la classe moyenne, les conditions des plus pauvres se détériorent et que les inégalités augmentent. Donc, cette soif de changement-là, est-ce qu'on pourrait imaginer, nous demande Monique Jamard, qu'elle nous entraîne vers quelque chose de meilleur? Est-ce qu'on pourrait imaginer que si on présentait à la population les réelles causes de la souffrance actuelle, des crises actuelles que l'on vit, est-ce qu'elle pourrait pas être portée à chercher d'autres solutions que celles qui sont présentées par les Trump de ce monde? En fait, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il y a d'autres avenues qui existent, mais que pour les voir, il faut sortir de la vision pessimiste et négative et surtout la vision économiciste qui est généralisée un peu partout dans le monde pour montrer qu'il existe d'autres alternatives plus radicales basées sur la remise en question de ce système qui prend l'eau de toutes parts. Donc, c'est l'objectif de viser un monde plus juste, plus écologique, plus humain à échelle humaine. Et c'est un peu l'introduction de ce bulletin qui nous montre que c'est vraiment quelque chose qu'on recherche, ce vers quoi on devrait tendre, mais qui tarde à venir, en fait, parce que nombreux sont les politiciens à montrer du doigt de faux coupables plutôt que de remettre en question l'ordre établi. Puis j'aime bien l'image qui suit son texte suivant, une dette envers la planète et les générations futures, où on voit une image devant une foule. D'ailleurs, je soupçonne que ce soit des amis de la Terre en France. Ensemble, nous sommes une force immense. Changeons le système, pas le climat. Et je sais qu'il y a un an, on faisait l'émission Grain de sable à partir de Alternativa de Montreuil, qui était un peu le off festival officiel de la COP21, de la conférence des parties. Et Attaque France avait un grand kiosque là. On avait effectivement fait l'émission de radio avec des invités spéciaux, dont Claude Vaillancourt, que je venais de rencontrer sur place, que je n'avais jamais rencontré avant d'aller à Paris. Et on parlait beaucoup de faire un lien avec la justice climatique. Ces accords-là, on l'a vu, quoi qu'on ne le savait pas trop l'année passée, il y a exactement un an, parce que c'est plus le 12 décembre, en fait. On est exactement il y a un an à 6 heures, heure de Paris. En fait, exactement un an, à une heure près, l'accord universel de Paris était signé. Effectivement, c'est vrai. Et là, on venait d'apprendre, dans un discours de Noémie Klein, qui était devant nous, et le président d'Attaque, Geneviève Azam, avait parlé, des porte-paroles d'Attaque France, des porte-paroles des Amis de la Terre de France, étaient là, plusieurs autres conférenciers, dans d'autres langues que je connais pas, étaient là, et c'est « We want justice » qu'on criait. « People's power now ». On veut le pouvoir entre les mains du peuple maintenant. Et on veut de la justice climatique. C'était ça le message, parce que dans ces ententes-là, il n'y avait rien de tout ça. C'est des contributions nationales qui ne sont que des objectifs. Et en plus, nous, au Canada, c'était les objectifs du gouvernement Harper. En plus. Bon, on a vu que ça n'a pas trop changé avec le premier ministre Trudeau. Et on a vu que finalement, deux provinces, la Saskatchewan et le Manitoba, refusent d'entériner des objectifs de taxes de carbone, de marché de carbone, qui sont des minimums pour essayer d'atteindre les minimums de contribution nationale à faire pour pas que le climat augmente plus qu'à 1,5%. Donc, on peut... 1,5 degré, pardon. Donc, on est déjà dans l'incompatibilité et l'impossibilité d'atteindre ces objectifs de Paris. Mais le minimum qu'on aurait voulu avoir, c'est qu'il y ait au moins un petit côté coercitif ou un côté justice où les chefs d'État qui font pas des efforts nécessaires, mais puissent, ou les entreprises, la transnationale, puissent avoir un tribunal qui les juge en disant, écoutez, on veut sauver la planète, mais vous êtes pas là pour nous aider, vous nuisez à ça. Effectivement, c'est pas encore le cas, ces accords. L'accord de Paris n'est pas contraignant comme la plupart des accords comme tous les accords environnementaux qui ont été signés à l'échelle globale. Comme tu le disais si bien, là, au sujet de Donald Trump, les deux raisons que les deux provinces donnent, Saskatchewan et Manitoba, c'est ça sert à rien là, de faire des efforts. De toute façon, Trump, lui, il va abolir ça dès le 20 janvier. Oui, bon, voilà. Un des premiers effets de l'élection de Donald Trump, on peut le voir là-dedans, avec le fait qu'il a nommé un climato-sceptique notoire à l'Agence de protection de l'environnement. Pour revenir au texte de Monique Jeanmar, son deuxième texte qui porte sur la dette environnementale, en fait une dette envers la planète et les générations futures, elle nous rappelle que le 8 août 2016 est appelé le jour du dépassement, c'est-à-dire que c'est le jour où nous avons épuisé les ressources de la planète, les ressources que la planète nous fournit pour une année, en fait. Alors que en 2008, le jour du dépassement était le 23 septembre. Donc, on voit que d'une année à l'autre, on dépasse la capacité de la planète toujours plus tôt dans l'année. On s'entend que c'est une mesure théorique, là. C'est pas quelque chose. C'est basé sur des mesures assez concrètes, mais il reste que la planète, le cycle planétaire ne fonctionne pas en année, là. Mais par contre, tout de même, ça donne un aperçu intéressant de à quel point notre consommation dépasse la capacité de la planète. Donc, en 2016, il aurait fallu 1,6 planète pour que nous puissions supporter nos besoins. C'est dire si nous consommons trop. Et c'est en raison de la consommation des 20% les plus riches que c'est comme ça, parce qu'il y a 80% de la population de la planète qui contribue peu ou pas à sa dégradation, mais c'est ce 80%-là qui en subit le plus les conséquences de la dégradation de l'environnement, d'où la nécessité d'une justice climatique pour que ces personnes-là puissent en fait vivre correctement et bénéficier de... Mais comment en sommes-nous arrivés là? Ah, ça c'est... Ben en fait, c'est une grande question, mais c'est hautement lié à la croissance économique. Je ne dis pas que c'est ta faute, Dominique. J'espère. C'est vrai que la manière je te regardais, c'est comme si c'était de ta faute. Selon moi, puis selon quand même beaucoup d'analystes, c'est étroitement lié à la croissance économique. Et puis, plus loin dans le bulletin, c'est assez éloquent la façon d'en parler. Il y a des statistiques intéressantes qui montrent que, en fait... une augmentation par exemple avec une croissance économique de 3,5%, la consommation en métaux par exemple double tous les 20 ans. Donc c'est énorme quand on y pense. Imaginez l'industrie minière qu'on a actuellement au Québec, la doubler dans 20 ans. Et ensuite ça double encore 20 ans après, donc par rapport à aujourd'hui, ce serait rendu 4 fois plus. Donc, c'est énorme. Et comme plusieurs de ces ressources-là sont finies, il y en a une quantité limitée, eh bien, ça cause de graves problèmes. Comment on en est arrivé là? Ce que nous dit Monique Jean-Mort, elle nous rappelle, en fait, les conclusions du Club de Rome qui a publié un rapport en 1973 et qui montre que, en fait, qui démontrait déjà que les limites écologiques de la planète sont qu'elles sont inébranlables. Ça commence à être dangereux. Là. Et qu'elles sont le feu. Effectivement, qu'elles sont incompatibles avec une croissance exponentielle et l'utilisation des ressources qui étaient faites à cette époque. Et on sait que depuis ce temps-là, l'utilisation des ressources a vraiment énormément cru. Alors, on peut penser que c'est encore d'autant plus le cas maintenant. D'ailleurs, Donatella et Dennis Meadows ont publié un autre rapport en 2004 où ils reprenaient en fait leurs conclusions pratiquement telles quelles de leur premier rapport de 1973 en montrant qu'après 4 décennies de croissance continue, nous entrons dans un temps où s'observent les symptômes de l'effondrement qui étaient annoncés dans leur rapport en 1973. Et une citation du rapport dit « Nous n'avons pas mis fin à la croissance, la nature va s'en charger. » C'est un peu ça dont il est question, en fait. Ouais. C'est ça l'enjeu. Mais il ne faut pas oublier, dans les grandes sonnettes d'alarme qu'on a eues dans notre histoire, c'est le rapport Brundtland en 1987. Oui, le rapport Brundtland était une grande sonnette d'alarme. C'est un rapport qui était très, très bien construit. C'est un rapport qui a amené qui a permis à la communauté internationale de commencer à se soucier de la question environnementale. Oui. Par contre, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le rapport Brundtland a été produit en réaction au rapport du Club de Rome qui lui remettait en question la croissance. Le rapport du Club de Rome, le rapport Meadows, mm-hmm. s'appelait « Halte à la croissance mm-hmm. ». Ce qui a amené l'ONU à commander une nouvelle évaluation oui. qui a mené au rapport Brundtland qui, lui, s'appelait « Notre avenir à tous » et a introduit le terme « développement durable oui. » qui réhabilite la croissance. Oui. Donc, qui nous dit. Oui, c'est nous... l'expression de, du temps, mais on l'a vu évoluer, cette expression, où elle était galvaudée. Tout à fait. Développement durable. Mais qui est Mme Brundtland? Parce que je pense que tu es bien placée pour en parler. Oui, Gro Harlem Brundtland, c'était une présidente... je ne veux pas me tromper, je pense que c'est de la Norvège. un pays scandinave. Un pays scandinave, on se protège tous. J'ai failli dire une présidente d'un pays scandinave. Ouais, bon. Ouais, c'était dans ma question, mais tu ne peux pas laisser le temps de finir. Et puis, c'est une... c'est ça, c'était... elle était très... en fait, il faut savoir que les pays scandinaves sont très avancés en matière de réflexion sur les questions environnementales et sociales. C'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de femmes politiciennes là-bas. Je ne le dis pas, comment dire, à la blague. Là. Il y a des raisons où, quand il arrive des situations comme ça, les femmes ont une capacité de faire des choses que des politiciens hommes n'ont pas les couilles de faire. Je pense que ça amène une couleur différente, effectivement, puis ça amène un Parlement à à se pencher sur certains dossiers qu'un Parlement exclusivement ou presque exclusivement masculin auquel ne s'intéressera pas. Donc, sans doute que ça a une influence. Puis, de toute façon, ça a donné naissance, le rapport Brundtland, à Rio, en 92. Et quand on parle de Rio plus 10, Rio plus 20, puis là, on attend Rio plus 30. Mm-hmm. C'est vraiment important. C'est quand même une grande messe, un rapport qui a donné naissance à ces grandes rencontres. Et donc, le GIEC découle de ça. Et le GIEC a fait en sorte qu'on a des COP 21, des COP 22, puis des COP 23 en Allemagne l'année prochaine, mm-hmm. des COP 24 en Pologne. Oui. Qui sera peut-être la plus importante, parce que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir évaluer ce que ça a donné, ces décisions qui avaient été prises à Paris. Parce qu'après 2-3 ans, là, on peut évaluer si ces contributions nationales, ces limites que l'on s'est données, un, ont-elles été respectées, et deux, est-ce que ça a eu un impact positif sur, quand je dis positif, là, c'est sur l'empêchement de l'augmentation du réchauffement de la planète. Mm-hmm. On est dans le négatif positif, mais essentiellement, vous avez compris le message. Effectivement. Pour poursuivre avec le texte de Benjamin Aucuy, le libre-échange porte-étendard de la croissance, il amène des éléments très, très intéressants et assez, assez nouveaux en ce sens que il pose le libre-échange comme une manifestation, la manifestation la plus évidente des lacunes des indicateurs que les dogmatiques de la croissance utilisent. Parce que, par exemple, le PIB est très utilisé pour démontrer les bienfaits du libre-échange et de la croissance, mais il ne mesure que la création de richesses, mm-hmm. pas les coûts environnementaux, humains, sociaux ou encore politiques de la croissance. Ni l'importance de l'économie sociale. Non plus, effectivement. Donc, c'est dans un monde de plus en plus intégré, ben en fait, on met en compétition des acteurs qui ne sont vraiment pas du même poids, qui ne sont pas équipés pour compétitionner. Et au passage, nos politiciens sacrifient la production locale à petite échelle pour permettre aux plus grands groupes industriels de faire davantage de profits. Mais c'est clair que les ententes de libre-échange, c'est pas fait pour l'épicier du coin, là, ou la boulangerie bio de la 3e avenue. Effectivement, mais pourtant, tout nous démontre que c'est ce commerce-là qui est, dans le fond, le moteur réel de l'économie d'un pays, que c'est vraiment les petites et moyennes entreprises qui créent beaucoup d'emplois, qui rapportent le plus de richesses au pays en payant plus de taxes, parce qu'on sait que les très grandes entreprises ne paient presque pas de taxes, et le peu qu'elles devraient payer, souvent, elles s'arrangent pour ne pas le payer en faisant transiter leurs profits par les paradis fiscaux. Mais pourtant, nos gouvernements s'obstinent à favoriser ces grandes entreprises-là. Pour la création d'emplois, des gros chiffres, qui deviennent rien. Mais la création d'emplois est minime par ces grands groupes-là. Donc, c'est même pas de ça qu'il s'agit. C'est davantage un aveuglement en faveur d'une croissance à tout prix. Parce que ces grands mouvements monétaires-là faits par les grands groupes stimulent la croissance, mais la croissance, on le voit, elle n'est pas à notre service, elle n'est pas au service de l'environnement. On voit bien qu'un des grands sables qu'on a eu cette semaine, c'est le gouvernement Trudeau, le premier ministre du Canada, qui a supporté les banques éviter les problèmes de protection du consommateur, si on pourrait dire. Tout à fait. Donc, les banques ne pourront plus être poursuivies... La loi des lois provinciales en rapport à la protection des consommateurs. Donc, on voit très bien quel camp Trudeau est en train de prendre avec le 2-2 pipeline dans l'Ouest. Oui. Quand même. Autant on pouvait être un peu On était un peu optimiste au début, mais autant on déchante assez vite avec ce gouvernement. Là, on l'attend au coin de la rue avec le système de votation proportionnelle ou préférentielle. Aïe, aïe, aïe. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Effectivement. En conclusion, ce texte-là est vraiment... nous parle encore du libre-échange. Ben, tout à fait. Voilà, c'est ce que, selon Benjamin Aucuy, le libre-échange, en fait, sert de moteur pour faciliter ou dynamiser encore plus la construction d'industries, l'exploitation des ressources naturelles, la vente de services qui autrement ne pourraient pas se développer faute de marché ou faute d'accès aux ressources dans certains cas. Donc, l'idée, c'est de s'assurer qu'il n'y a aucune entrave à la croissance et de plus en plus. En fait, on le sait, dans les traités de libre-échange, ce n'est plus les barrières tarifaires qui sont éliminées, mais davantage les barrières non tarifaires. Donc, tous les garde-fous que les gouvernements se sont donnés pour protéger les protections sociales et l'environnement. Après une brève pause, on attaque le fameux texte dont on a parlé au tout début de l'émission, le texte de Philippe Gauthier, qui est titulaire d'une maîtrise en sciences politiques de l'Université de Montréal. Écrivain et journaliste, il a longtemps œuvré en presse technique et scientifique. Il a publié de nombreux articles sur les enjeux énergétiques, notamment dans son blog du journal Voir et dans le livre « Sortir le Québec du pétrole » en 2014. Donc, restez avec nous pour le low-tech alternative à la fuite en avant technologique. Amici, vi assicuro che sti tempi sono duri, non bisogna scoraggiarsi, presto ricomincerà, il lavoro ci sarà. Per noi tutti questo inverno diamo un poco più di tempo a questo nuovo governo. Passerà, si passerà, non perdiamo il coraggio, il mio cuore è sempre allegro e continuo a cantare. Ara di trla, di trla, di trla, tarum, di tar, tar, tar, tar, tar, di trla, di trla. Andiamo a Montreal, ma non va poi così male. A Quebec nella provincia noi mangiamo pane e acqua. Il lavoro in Canada manca pure negli USA ed in terre più lontane morirete voi di fame. Passerà, si passerà, non perdiamo il coraggio. Il mio cuore è sempre allegro e continuo a cantare. Ara di trallare, trallare, trallare, un tirare, tari, tari, tari, tari, tari, tari. Tanto in questi tempi qualcosina sotto i denti. Se il cotto è salato compro solo dei biscotti, ma non ce la faccio più solo con Mario. Ormai ho smesso di mangiare, il mio stomaco è distrutto. Ma serrà, si passerà, non perdiamo il coraggio. Il mio cuore è sempre allegro e continuo a cantare. Arare, trarare, trarare, trarare, trarare, trarare, trarare. Addosso solo straccio, dei buchi nelle scarpe, mi si vedono i talloni ed ho i piedi di fuori, il di sopra è distrutto e la podera scucita, il dittone tutto fuori, ma è sempre meglio di niente. Passerà, si passerà, non perdiamo il coraggio, il mio cuore è sempre allegro e continuo a cantare. Padrone di casa, anche lui è messo male, la mia stufa è bruciata, le finestre fracassate, poi la luce è tagliata pure, l'acqua si è fermata, non verranno a disturbare, io li getto dalle scale. Ma serrà, si passerà, non perdiamo il coraggio, il mio cuore sembra allegro e continuo a cantare. Ma serrà, si passerà, non perdiamo il coraggio, il mio cuore sembra allegro e continuo a cantare. Et Eh bien, salut à nos amis italiens qui ont vécu un phénomène démocratique la semaine dernière. Leur premier ministre a vraiment fait un effort démocratique. Le référendum constitutionnel qui devait abolir le bicaméralisme parfait en Italie, dont l'objectif de permettre une plus grande stabilité politique, avait lieu le 4 décembre dernier. On voulait enlever des postes de sénateurs qui donnent rien, qui créent de la stabilité, et on voulait vraiment faire une bonne réforme constitutionnelle. Et ben, coudonc, le résultat a été que ça n'a pas passé, puis il avait dit que si ça passe pas, je démissionne. Fait que parle-moi de ça, un politicien qui fait ce qu'il dit, qui dit ce qu'il fait, que les babines suivent les bottines ou les bottines suivent les babines. C'est selon walk the talk, ce qu'on dit en latin. Donc, c'est un scrutin qui a beaucoup fait parler. On va avoir encore de l'instabilité en Italie. Je pense que on va voir ce que ça peut donner. L'objectif est toujours, est-ce qu'un gouvernement soit plus stable administré. Donc, il y a souvent des élections en France où vraiment, comme c'est un bel exemple, on n'a pas vraiment voté pour ou contre la qualité du politicien, mais c'était de la politicaillerie. On a voté parce que leur parti était contre cette réforme qui faisait perdre plusieurs postes de sénateur. Eh bien, coudonc, ça n'a pas passé. Donc, on souhaite bonne chance à sa nouvelle carrière à monsieur... j'ai pas dit son nom, hein? Je crois pas. voyons, j'ai un blanc. C'est Renzi, mais son prénom... Attends un peu, je suis en train de faire... On le retrouvera. Oui, donc... Peut-être qu'on peut parler du mythe de l'innovation. Matteo Renzi. Matteo Renzi. Bon, excusez-moi de ce petit égarement. Alors, c'était Marco Cagliari. Vous avez peut-être reconnu la chanson d'Abolduc, là. Hein? Ça va venir. Découragez-vous pas. Alors, c'est Marco qui est un ancien porte-parole du Radioton de CKRL et que j'avais eu la chance de rencontrer au Forum social mondial où il faisait le spectacle d'ouverture avec Mademoiselle Ruz, une Mexicaine vivant au Québec. Excuse-moi, Dominique, j'aime bien des fois donner les détails. Les gens, ça me demande d'où ça sort. Ça, c'est... Il chantait en italien, pour ceux qui n'ont pas compris encore le lien. Là. Alors, le texte de Philippe Gauthier, le low-tech, alternative à la fuite en avant technologique, le mythe de l'innovation. Le mythe de l'innovation. Oui, Philippe Gauthier commence son texte en nous rappelant que l'innovation est le grand mythe de notre époque. C'est devenu une sorte de mantra, de solution à tous les maux. Mais on la confond le plus souvent avec la technologie qui n'en est qu'un petit aspect. Donc, c'est vrai que la technologie et l'innovation peuvent offrir de nouvelles sources de profit à l'industrie, mais les progrès techniques sont assez inégaux parce qu'il y a plusieurs choses dont on se sert actuellement qui n'ont vraiment pas changé au fil du temps ou très peu changé. Donc... La technologie serait censée, on en parlait un peu au début de l'émission, serait censée nous offrir des solutions toujours plus efficaces pour un monde meilleur, mais dans les faits, il y a plusieurs effets pervers. Entre autres, plus les machines sont performantes, plus il est tentant de les utiliser pour tout et pour rien. Donc, ça fait que ça produit plus de machines, on en consomme plus, puis que la consommation énergétique est à la hausse. Depuis 1865, on connaît ce paradoxe qu'on appelle parfois l'effet rebond, qui porte d'autres noms, mais qui est attribué à l'économiste britannique Stanley Jevons et qui va comme suit: plus nous innovons, plus nous consommons. En fait, c'est un peu ça le principe. Alors, c'est vraiment une impasse Philippe Gauthier nous parle en fait d'un livre publié par Philippe Bioui qui s'appelle « L'âge des low-tech », un livre publié en 2014 qui semble très intéressant. Ça m'a vraiment donné envie de le lire personnellement parce que en fait, il y a un second mythe qui suit celui de l'innovation, c'est le mythe de l'énergie infinie. Donc, on nous dit qu'avec une énergie propre, on va pouvoir, à peu de choses près, continuer à vivre comme on vit là. Mais dans les faits, c'est vrai que, par exemple, le vent et le soleil sont inépuisables et qu'on peut... Mais pour la transformer en électricité, ben, il y a des ressources qui sont nécessaires. Je me souviens d'un exemple que tu avais donné quand c'était bien populaire, la voiture électrique. Oui. Tu nous avais expliqué là, que la voiture électrique, là, c'était, oui, peut-être une innovation technologique, mais que c'est qui ressemble plus à une voiture électrique qu'à une voiture à moteur à essence, là. À part le fait qu'on utilise utilise de l'énergie électrique. Oui. On consomme autant d'extractivisme, elle n'est pas en plastique au complet, elle est quand même en tôle, cette voiture électrique, puis on a besoin de la produire en tant que telle. Tout à fait. Est-ce que la voiture électrique est une solution pour remplacer la voiture à essence, à injection? Ben non, si on utilise autant la voiture... Si on utilise autant la voiture, ça entraîne plein d'autres problèmes. Ils ont des problèmes d'aménagement urbain, des routes qu'il faut réparer. Et aussi, bon, la voiture électrique a cette particularité que les piles qu'elle contient nécessitent des terres rares, nécessitent des métaux qui sont présents en quantité infinitésimale sur Terre. Donc, c'est un peu le sujet, le propos de Philippe Gauthier dans ce texte, c'est que les produits qui sont nécessaires pour fabriquer les appareils qui servent à produire de l'énergie, que ce soit à partir du vent, du soleil, de l'hydrogène, de n'importe quoi d'autre, sont très, très rares. Et au rythme actuel d'exploitation de ces métaux-là, ils vont s'épuiser très rapidement. Il y en a plusieurs qui ont atteint leur pic de production et qui l'ont dépassé depuis assez longtemps. Donc, ça pose des problèmes de disponibilité. Donc, ça fait vraiment des difficultés importantes et il nous amène vers l'illusion de la circularité, en fait, en m'apprenant, moi je l'ai appris, qu'il y a deux principaux écueils au recyclage, en fait, à la récupération, parce qu'on se dit, bon, on pourra toujours trouver un moyen de recycler ces métaux-là, de s'assurer que l'économie soit circulaire, ben qu'on n'ait oui, pas ben besoin oui. d'extraire. Oui, c'est un nouveau terme intéressant, l'économie circulaire. Oui, qu'on les recycle, mais en fait, toujours selon Philippe Bioui, le livre qui a été cité par Philippe Gauthier, il y a les usages dispersifs et la perte d'usage. Donc, l'usage dispersif, c'est le fait qu'un matériau soit éparpillé dans l'environnement, du coup, impossible à recycler. Et c'est très, très fréquent. Par exemple, le titane. Le titane, c'est un élément qu'on utilise sous forme de dioxyde de titane très souvent, qui est un élément blanchissant qui est présent dans les peintures, dans les teintures, mais aussi dans les circuits électroniques, dans beaucoup de choses. Mais 95% de la production mondiale de titane est irrécupérable à cause de l'usage dispersif du titane. Donc, c'est par exemple, il y en a dans la pâte à dents, vous le savez peut-être pas, mais c'est ce qui la rend blanche. Alors, dans le fromage, peut-être? Les fromages blancs. Je ne crois pas qu'il y en ait dans le fromage à l'heure actuelle. Les fromages européens, achetez pas ça. Peut-être. Là. Mais en fait, bon, vous le savez, quand on se brosse les dents ou quand on peint un mur, on ne peut pas récupérer la peinture, on ne peut pas récupérer la pâte à dents qui s'en va dans le lavabo. Donc, c'est exactement... C'est rare que je réutilise ma pâte à dents, mais ça... Moi aussi. Donc, surtout quand t'es tombé dans le lavabo. Mais... C'est ce qui fait que l'usage dispersif est problématique. Oui. Dans le cas de l'étain, 14% de son usage est dispersif, ça peut sembler assez peu, mais en fait, au bout de 4 cycles, c'est 50% qui est perdu. Donc, c'est ça le problème. Ouais. Il y a une perte... Il y a un cercle vicieux. Il y a un cercle vicieux avec ça. Et aussi, la plupart des applications des nanotechnologies sont dispersives de par leur... pratiquement par définition, on pourrait dire que les nanotechnologies sont de fines particules répandues dans des matériaux qui ne sont pas nécessairement possibles de récupérer par la suite. La perte d'usage, j'adore cette critique profonde du recyclage parce que ça nous montre encore plus, de façon encore plus pointue, pour quelle raison il faut avant tout réduire. Avant, oui. Bien avant quand de penser à recycler. Quand on parle des 3 R. Voilà, les 3 RV, effectivement. RV, c'est, V pour valorisation. Oui, effectivement, réduire à la source. Avant, réutiliser. Oui. Et ensuite recycler et après valoriser si on ne peut pas le recycler. C'est le troisième. On recycle quand on n'a pas fait les deux premiers, finalement. Effectivement. Donc, la perte d'usage, ça concerne avant tout les matériaux spécialisés qui renferment de nombreux composés. C'est le cas des batteries lithium-ion qu'il y a dans les voitures électriques, par exemple. On en avait parlé auparavant. Oui, oui. C'est en fait des composés qui sont pratiquement impossibles à séparer à l'heure actuelle ou qui demandent des technologies vraiment complexes pour les séparer. Alors, ils sont souvent recyclés en vrac. C'est ce qui, par exemple, le nickel et le chrome qui sont contenus dans l'acier inoxydable sont souvent noyés dans des masses d'acier bas de gamme où leurs propriétés spéciales sont perdues. Alors, pourtant, le nickel est facile à recycler, mais 45% du nickel est fonctionnellement perdu de cette façon-là, étant combiné au chrome, dans le fond, pour faire de l'acier inoxydable. Donc, ça fait en sorte que le recyclage est très difficile, le recyclage des métaux, beaucoup plus difficile qu'on le pense. Alors, une économie circulaire qui recyclerait à l'infini est peu réaliste, d'autant plus que pour diverses raisons, aucune ressource n'est récupérée à plus de 90% en pratique. Donc, c'est un peu une claque sur la gueule, si on veut, là, du recyclage qui vient nous dire... Surtout quand c'est documenté comme ça. Attention, c'est pas si facile que ça, recycler, et ça ne réglera pas nos problèmes. Et ça ne nous permettra pas de maintenir notre mode de vie actuel. Mais si c'est fait Made in Québec, c'est-tu mieux? Ben, en fait, c'est un peu ça que le texte de Philippe Gauthier nous amène, c'est la question du low-tech. Donc, l'idée du low-tech, c'est de proposer une démarche d'innovation orientée vers la préservation des ressources. Donc, c'est de privilégier des technologies plus simples, plus robustes et plus économiques, faciles à fabriquer et à réparer avec des ressources locales. Donc, on évite le recours aux matériaux et alliages complexes qui rendent le recyclage compliqué. Puis, on s'assure de rester dans le local, ce qui vient réduire la nécessité d'énergie liée au transport, d'une part, mais aussi permet, sans aucun doute, de dynamiser une économie locale beaucoup plus proche de nous et de créer des emplois en limitant le nombre d'usines géantes qu'on doit construire. Très intéressant. En conclusion, parce que j'aimerais qu'on écoute une chanson que j'ai trouvée qui a un peu rapport avec ça. Après, on pourrait aborder... les pièges du développement durable avec Yves-Marie Abraham. En conclusion? Ben, en conclusion, en fait, le low-tech propose la création de nouveaux réseaux très décentralisés de récupération et de réparation des objets du quotidien. En fait, donc, small is beautiful, mais encore plus, simple is beautiful. Et made in Québec. Oui, tout à fait. L'électricité passe plus entre moi et pis le député. Il est pas mauvais, presque parfait. Il est pas trop snob, il fait la job. Mais je suis dû pour du changement. Il a fait son temps qu'il fasse du vent. Et puis la vague qui déferle m'embarque tout avec elle. Je suis lassé, je veux le remplacer par un nouveau. Je vais planter un poteau. Un poteau avec sa photo sur un panneau, sur un poteau. Un panneau avec des écriteaux, avec une photo sur un poteau. Parle pas français, personne ne sait, il est jamais venu et ça non plus. Dans mon comté, sait-il compter, peut-on compter son honnêteté? À peine élu, l'urlu berlu pendant des vacances à Las Vegas. Mais il est pas laissé sur le prospectus et ça me plaît, m'en faut pas plus. Il faut suivre la horde et si l'on nous nargue, on peut prétexter qu'on s'est un peu excité. Pour un poteau avec sa photo sur un panneau, un panneau avec des écriteaux, avec une photo sur un poteau. Quatre ans au rythme des régions, ça passe pas vite, c'est un peu long. Mais entre le salon de la maison et le salon chez Manon, il reste le train-train quotidien et le train tous les samedis matin. Pour toi ma chérie, le bingo, pour moi mon chéri, les gogos. Une érection avant l'élection, c'est assez pour oublier pourquoi, pour qui que j'ai voté. Un poteau avec sa photo sur un panneau avec des écriteaux, avec une photo sur un poteau. Et au scrutin le mois prochain, j'enverrai paître ce crétin. Et j'irai voir au dictionnaire des poteaux s'il y a un poteux. Pas trop poqué, pas trop foqué, juste assez pour que j'aille voter. Une bête de cirque, un humoriste, un prix de justice récidiviste. Tant qu'à sortir pour presque rien, j'aime mieux élire un bon à rien. Un poteau avec sa photo sur un panneau, sur un poteau. Un panneau avec des écriteaux, avec une photo sur un poteau. Et si ces totos sont tous pris, si de poteaux y a pénurie, un coup mal pris et à bas prix, paraît qu'il y en a de Nakona. Son frais à mairie de la mairie de Montréal et de Laval, en dedans et pour au moins 10 ans, ils font le temps avant ce printemps. Il faut recycler cette racaille de canaille, de rien qui vaille. Eh bien, c'était les poteaux. Made in Québec vient plus tard. Les pièges du développement durable par Yves-Marie Abraham. Moins de biens, plus de liens? Effectivement. Et d'abord, Jean, je voudrais faire part de mon coup de cœur pour Yves-Marie Abraham, en général, l'ensemble de son œuvre, parce que Yves-Marie Abraham, c'est un radical. Bon, et c'est un révolutionnaire, et ça nous fait du bien d'avoir des gens comme ça au Québec. Il faut rappeler d'en que, parler dans et les d'en médias. Parler, parce il faut, que... faut rappeler qu'Yves-Marie Abraham est professeur à HEC Montréal, où, il enseigne, tenez-vous bien, un cours sur la décroissance. Hey, donc, c'est quelqu'un... On n'a pas ça à l'Université Laval. On n'a pas ça à l'Université Laval. On sait que HEC Montréal, c'est quand même pas perçu comme un think tank de gauche, mais... Malgré tout, il ose et de façon très, très articulée, très, très intéressante, être un objecteur de croissance à temps plein. Et moi, je trouve ça très, très inspirant. En fait, il nous rappelle que, on en a parlé plus tôt, mais que le développement durable en tant que tel, ça équivaut à polluer moins pour polluer plus longtemps. C'est un peu ça, l'idée. Et bien qu'il n'y ait pas de lien linéaire entre la croissance économique qui est mesurée en monnaie et la dégradation de notre habitat terrestre, on ne peut pas prétendre produire toujours plus de marchandises sans utiliser toujours plus de ressources naturelles, ni produire toujours plus de déchets. Donc, la croissance, encore une fois, est incompatible avec le respect des limites de la planète. C'est ce qu'il appelle un oxymore, en ce sens que oui. C'est vraiment quelque chose qui... C'est deux choses qui sont incompatibles et le terme développement durable en soi est quelque chose qui ne fait pas de sens, selon lui. Et plus que ça, il nous rappelle que c'est une idéologie dangereuse parce que pendant que nous dormions paisiblement ou que nous contemplions avec soulagement le joli dessin des trois piliers du développement durable, la destruction a continué et a même accéléré, si on en croit tous les chiffres qui sortent à ce sujet. Donc, c'est d'abord, c'est quelque chose qui endort la population et fait en sorte que trop de gens sincères sont trompés et pensent que c'est possible de continuer comme avant sans remettre en question fondamentalement notre société. Donc, lui, il rappelle qu'une croissance infinie est impossible, mais pas seulement pour des raisons environnementales, aussi pour des raisons de justice. Il n'y a jamais eu autant de croissance. Le PIB n'a jamais été aussi élevé à l'échelle des pays. Et pourtant, les inégalités n'ont jamais sociales, les inégalités de revenus n'ont jamais été aussi grandes. Donc, et se creuse d'année en année. Ça ne sera pas mieux aux États-Unis dans quelques années après un mandat de Donald Trump. Sans doute pas, non, effectivement. Donc, il rappelle que ce rapport, que en fait, cette croissance-là est étroitement associée à un rapport d'exploitation parce que c'est pas la croissance et le développement durable ne sont pas au service du bien-être de l'humanité, mais bien au service du capital. Alors là, bon, qui dit capital dit Marx. Marx a très bien démontré que une minorité contrôle les moyens de production et ça force la majorité à travailler au profit de cette minorité si elle veut obtenir de quoi assurer sa subsistance. Donc, das capital. Oui, mais c'est ça. Mais c'est sur cette base inégale que repose la course à la production de marchandises selon Yves-Marie Abraham. Pour faire la révolution. Ben, c'est un peu ça, mais en fait, quelle sorte de révolution? Voilà ce qu'il faut se demander. La cubaine. mais en fait... Il s'objecte aussi, les objecteurs de croissance comme Yves-Marie Abraham reprochent à l'idéologie du développement durable d'être aussi beaucoup trop technophile, trop porté vers la technoscience et qui, en fait, qui ont beaucoup trop une foi inébranlable en les vertus de la science et de la technique qui pourraient, soi-disant, nous permettre d'éviter l'écueil écologique qui nous attend. Mais Yves-Marie Abraham n'y croit pas, et moi non plus, effectivement. Alors, dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est la révolution. Et comment on fait ça? C'est pas en faisant du développement durable, mais en rompant avec l'obsession de développement. C'est pas en visant une croissance verte, mais en arrêtant la course à la croissance. Non pas en démocratisant l'économie, mais en sortant de l'économie, ni plus ni moins. Donc voilà ce qu'il nous rappelle. C'est sortir de l'économie du partage, mais partager vraiment ce qu'on a. Puis partager dans du la temps. Dignité aussi. Pas juste l'argent, partager du temps. Tout à fait. Puis un petit vade mecum, autrement dit, un genre de lexique. Si vous ne savez pas ce que c'est que la décroissance, Yves-Marie Abraham l'a défini. Il a aussi pourquoi prôner la décroissance, pourquoi être contre le développement durable, pourquoi avons-nous besoin du mot décroissance ou degrowth, et on parle même de désinvest, mais ça c'est un autre sujet. Et on termine le bulletin Attaque Québec qui vient de sortir, il est encore tout chaud, par un regard sur Attaque Japon, mais ça, j'aimerais peut-être attendre qu'on ait notre invité du Japon pour aborder le Japon. Effectivement, ça serait intéressant. Ça serait intéressant. Monsieur, est-ce que tu viens avec nous la semaine prochaine? Ah, on verra, on verra. Ce serait un beau petit cadeau d'avoir vous deux ensemble, Étienne Blondeau et Dominique. C'est possible. Merci, restez avec nous. On fait une petite pause musicale. Après, on vous laisse avec nos amis, les Geeks Contre-Attaque. L'autre matin, je me réveille au lendemain d'une nuit qui m'a porté conseil. À partir d'aujourd'hui, je ne consommerai, quel embarras du choix, que des biens, des denrées qui sont bien de chez moi. La poutine à cantine, des mots de mon patois et du pâté chinois à cabane des bonnes bines, des produits québécois, des produits québécois, made in Québec. Mon coloc m'a demandé. Téléchargez le grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. 89.1. Retrouvez l'Orchestre symphonique de Québec et le chœur de l'OSQ pour la deuxième édition de Hollywood en famille. Au programme cette année, les plus grandes musiques de films d'aventure, de Noël et de super-héros dans une mise en scène de Veronica McDissey Warren. C'est un rendez-vous avec James Bond, Spider-Man, Le Seigneur des Anneaux et tant d'autres. Hollywood en famille 2, présenté jeudi 15 et samedi 17 décembre à 19h30 au Grand Théâtre de Québec. Tous les détails sur osq.org, Hydro-Québec, partenaire de saison. Les hommes qui pensent en rond ont les idées courbes. Pour souligner le 100e anniversaire de naissance de Léo Ferré, Raymond Michel présentera une émission spéciale sur ce grand parolier. N'oubliez jamais que ce qu'il y a d'encombrant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Léo Ferré, le dimanche 11 décembre, dès 13h, à l'émission Les Routes Enchantées. La pensée mise en commun est une pensée commune. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Thierry de la succursale Saint-Roch vous propose « Qu'ils y restent ». Cette bande dessinée à la fois naïve et puissante, ayant le pouvoir de plaire à un public de tout âge, nous invite à suivre quatre incarnations de nos peurs de jeunesse dans un hommage merveilleusement réussi à un illustrateur d'une autre époque, Yvan Bilibine. Christian de la succursale du Vieux-Québec vous suggère « Cartel » de Don Winslow. Un monument littéraire, un portrait amoureux et tragique du Mexique, le roman d'une guerre sans fin et démentielle, la guerre contre le trafic de la drogue. Incontestablement un coup de cœur policier de l'année. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean, 286 rue Saint-Joseph. Quiz aux bénévoles de l'Opération Nez Rouge. Décrivez ce que vous entendez. Allô, Nez Rouge. Comptable. Blond. 5 pieds 9. Familial Rouge. 4 cylindres, 2006. Il y a un sac de chips entre les deux bains. Le Club Tech. 62 des chaînes à Saint-Rigaudon. À l'Opération Nez Rouge, on est toujours à vos côtés pour bien rentrer. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez Rouge au 1-866-DESJARDINS. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, Desjardins et de cette station. Signé et doublé.